بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بن فرير ابن سير دنيا لي باتوم دو لي بي ان كي غالوب ديالي دنيا لي باتوم دو لي بي ان كي غالوب ديالي دنيا باوين فيه سيلوي كي لاغي ابولي ou pour gagner ce qui finit décrété, mais connaît ou pour gagner avec déshonneur et fatigue. Salomon là, li pas tombe dans les pieds ban qui la guerre pour gagner dunia. Mais dunia li tombe dans les pieds ban qui galoupe de akhirat. Dunia li tombe dans les pieds ban qui galoupe de akhirat. Ban du monde de dunia, galoupe de dunia, et ban du monde de akhirat, dunia galoup de yazot banji munde dunia galoup de ya dunia banji munde akhirat dunia galoup de yazot. C'est lui qui galoup de ya dunia li déshonoré dunia putom dans nous les pieds par istirna. Dunia putom dans nous les pieds par istirna, ça veut dire nous pas dépendre de qui soit dunia. Nous pas déshonorons nous pour gagner dunia, nous pas baisse nous fatigue nous pour nous gagner dunia qui vient de critiquer. Et un jimoun, il a sterna dans lui, il pas dépend de qui soit dunia, il servit qui soit dunia, il pas qui pose jimoun, il pas attend gain qui soit avec jimoun, il pas baisse pour lui gagner dunia avec jimoun. Une fois dans l'un, écoute-moi bien. Dans l'un, tu as un grand morana. Sur l'habillement, bien, bien simple. Il met un petit kurta et un lungi. Ou pour dire qu'il y a un, ou pas pour dire qu'il y a un grand morana. Qu'il est bien, bien pieux. Et faire beaucoup ibadat. Il est attaché avec sunnat. Morana pas attaché avec l'enzant. Il est attaché avec sunnat. Il est bien, bien simple. Un jour, un djimoun qui est bien, bien riche et bien content, Morlana. Fina pot, deux sacs pieds sans l'eau, et quelques milliers de roupies pour Morlana. Sa djimoun riche là, peut penser qu'il est finalement une grande somme, qui personne va finalement pour Morlana. Un logueil développe dans l'île, sur lesquels un vantant dit. Sa fille crée un logueil et une supériorité dans l'île. Allah Ta'ala crée parfois un sentiment. Allah Ta'ala crée parfois un sentiment dans lequel un aulia fait je te connais quelque chose. Je te connais guérison de ma maladie. Maulana, tu connais quoi faire? Ça dit mon riche là, finalement, sur des sacs et l'argent, peut débouter contre Maulana et quoi faire peut-être sur CV. Maulana fait semblant de trouver lui. Morlana fait semblant, pas trouvé. Quand il vient côté droite, Morlana tourne son visage côté gauche. Et quand il vient côté gauche, Morlana tourne son visage côté droite. Morlana fait semblant, pas trouvé. Il déboute avec ce des sacs assez longtemps jusqu'à qu'il finisse fatigué. Morlana peut faire ce formation pour casser sa vente en 10 dans l'île. Quand quoi faire fin terminé, quand quoi faire fin terminé, Morlana tourne vers lui, il fait Morlana salam, Morlana répond sur salam. Il présente ban sac là à Morlana. Morlana dit, Morlana qui pas attaché à dunia, pas attaché à l'enzan, il pas get moussali, il pas get post zimoun, Morlana dit, bon, pas besoin ça. Zimoun Rishla dit, Hazrat, ou pas besoin ça, mais moi, mon besoin de nous. Je suis pas oulé, pas de assez bon étudiant, bon élève de madrasa, de darouloum. Bon, on a dit, alhamdulillah, mon gars et mon l'argent tous les mois, et ça suffit pour moi, et pour dépenser la case. Si arrivé un petit l'argent resté, mon gars et traka, qui vous fait avec ça, comment vous distribuer ça? Bon, on a parlé sur plus. Qu'à ça en plus, il pas attaché. Bon, pas bicher sa ban l'argent là, sa ban pièce en l'eau là, distribuer zot ou même, pas ni wali. Bon, on a pas bossé l'argent. J'ai mon risa dit, Hazrat, distribuer zot dans les ban zélé, ban étudiant. Mais on a dit, bon, peine à l'aide pour distribuer, à le distribuer tout même. Libéraux de faire, moi, on a accepté ban pièce l'eau là, et ban l'argent là, mais moi, là, on a fini refusé. Ça, de bon, moi, là, là. Pas de poste, Jimoun, pas fréquente seulement Jimoun riche, Jimoun qui n'a pas le deux, non, je fréquente tout Jimoun, Jimoun riche, Jimoun pauvre aussi. Ça n'est pas de mal, là, là. Ben, Jimoun de Dunia, et n'a une fierté dans autre, je te sentis autre abaissé pour retourner l'argent à la case. Alors, moi, là, je refuse ça, ce pied sans l'eau, et ce ban l'argent qui n'a mené. Ça, Jimoun riche, là, sorti de haut, Maulana finira de la madrasa pour donner les sons. Quand les sons finissent terminés, quand Maulana peut mettre son soulier, les pieds vont les rentrer. Quand Maulana peut mettre son soulier, les pieds vont les rentrer, Jimouna finit mettre tout pièce là, et ben l'argent, dans Maulana ce soulier. Les prend son soulier, les sacrifie, comment ça couille la plus chère, Maulana? Tu vas l'argent là, tout en bas, il jette tout l'argent en bas, et Maulana met ce soulier y aller. C'est un Hafiz ensemble avec Maulana. Maulana dit Hafiz comme ça, Hafiz dit, t'as fini de trouver, écoute parole là bien, hein. Maulana dit Hafiz, t'as fini de trouver, nous aussi nous travaillons pour Dunia, Maulana dit. Nous aussi nous travaillons pour Dunia, et Banjimoun de Dunia aussi travaille. Une seule différence qui, Dunia tombe dans nos pieds, nous pousse les, ben, du monde de Dunia, je te mets la tête contre Dunia sur les pieds, et Dunia pousse autre. M'aurait dire, m'en a dire, nous aussi nous travaillons pour Dunia, et ben, du monde Dunia aussi travaille. Une seule différence qui, Dunia tombe dans nos pieds, et nous pousse les, ben, du monde de Dunia, je te mets la tête contre Dunia sur les pieds, et Dunia, pour je te gagne Dunia, nous aussi nous gagne Dunia, moi la dire. Je te gagne Dunia, nous aussi nous gagne Dunia. La différence c'est, nous gagne li avec l'honneur, et je te gagne li avec déshonneur. Pan frère, celui qui l'a gagné pour son akhirat, celui qui fait ses faux pour son akhirat, Allah fait Dunia tombe dans son pied. Mais celui qui détruit son akhirat à cause de Dunia, il vit esclave de Dunia, il finit à Dunia, il mort à Dunia. Mon frère, si nous avons envie de Dunia, pas qu'à l'oubli de Yali. Quitte-le comme ça même, il peut venir vers vous. Ou travaille, il faut vous effort. Mais il n'y a pas encore Dunia ou ne dit pas akhirat. Quand il y a un l'oubli de Yali, il peut venir vers vous avec difficulté et déshonneur. Quand il y a un l'oubli de Dunia, Dunia peut venir vers vous avec déshonneur, avec difficulté. Si nous vivons indépendants, nous partageons avec Dunia, Dunia peut venir devant nous, les pour humilier lui devant nous. Si un Jimoun dépend de Dunia, les pour humilier lui-même. Alors, mon frère, Allah, le Malik, les propriétaires de ce monde-là, les propriétaires de tout quelque chose, Allah tout seul qui malik. Personne dans le monde, pas propriété, n'a rien de Hadunia là. Tu ne quittes rien à lui. Personne pas n'a rien de Dunia. Tu ne quittes Dunia rien à lui. Jimoun pas possède rien pour tout le temps. Quand Jimoun possède quelque chose, lui pas possède lui. Lui pas si possède lui avant, lui pas possède lui pour tout le temps. Allah ta'ala fin de lui. Un jour Allah pourra se lier avec lui. Capable avant la mort ou bien après la mort. Personne ne possède rien. Allah tout seul qui est malik. Allah tout seul qui est propriétaire. Patap l'estomac, moi ça, moi. Un jour, on ne peut pas le roi pour lui-même, il vient le roi pour Allah ta'ala. Et Allah là pour rassurer un jour avec lui. Un jour, on ne peut pas ministre pour lui-même, il vient ministre pour Allah ta'ala. Et Allah pour rassurer avec lui, même avant la mort ou bien après. Un djimoun pas vin riche par lui-même, il vin pas là-dedans là. Un djimoun vin pauvre par là-dedans là. un des moun malade pour Allah Ta'ala, un des moun bien lié à la santé, pour Allah Ta'ala, un des moun passe l'examen, pour Allah Ta'ala sur permission, un des moun fait l'examen, pour Allah Ta'ala sur permission. Tout ce qu'un des moun vini, c'est pour Allah Ta'ala, un jour Allah pourra se lier avec lui, lui pas posséder lui pour tout le temps. Tout ça qui nous possède, il n'est pas pour nous. Allah, tout seul qui est propriétaire, et pour bien rendre compte, il pose question, là. Tout ça qui est qu'Allah nous prête nous. Allah, tout seul qui est malik, il est propriétaire du monde entier, c'est un djimoun pas d'accord, il est mort, il est trouvé la vérité. Tout ça qu'un djimoun possède, il n'est pas pour un djibien pour lui. Écoute-moi bien. Tout ça qu'un djimoun possède, il n'est pas pour un djibien pour lui, si peine Allah se l'a mis là-dedans. Tout ça qui vous possédez, n'est pas pour un dit bien pour vous, si peine Allah se l'a mis là-dedans. Tout qui sort un dit bien pour nous, par permission Allah, et les vins un dit pour nous, par permission Allah. Un dit monde pour rester les rois pour, un dit monde paraisse les rois pour tous les temps. Un dit monde paraisse président pour tous les temps. Un dit monde paraisse ministre pour tous les temps. Un dit monde paraisse docteur pour tous les temps. Un dit monde paraisse patient pour tous les temps. Un dit moun paraisse boss pour tout le temps. Un dit moun paraisse travailleur pour tout le temps. Un dit moun paraisse riche pour tout le temps. Un dit moun paraisse pauvre, paraisse misère pour tout le temps. Un dit moun paraisse malade pour tout le temps. Un dit moun paraisse faible pour tout le temps. Tout a contrôle Allah Ta'ala et Allah pourra tout avec nous un jour. Et Allah Ta'ala, tout seul qui malik, ni tout seul qui propriétaire tout quelque chose, tout ça qui nous possédait, vient depuis Allah Ta'ala, et un jour, il pourra tout avec nous. Tout ce qui Allah vient de nous, personne n'est pas capable de rassembler avec nous, écoute-moi bien. Tout ce qui Allah vient de nous, personne n'est pas capable de rassembler avec nous, quand Allah rassemble avec nous, personne n'est pas capable de nous lire. Même nous faire belles efforts, nous pas capable de gagner lire, connais mon frère, tranquillité, pas gagner avec l'argent. Tranquillité, pas gagner avec l'argent, pas gagner avec qui sont de dunia. Et tranquillité, nous pouvons gagner quand nous soumettons nous totalement avec Allah. Une fois dans l'Amérique, écoute-moi bien. Dans l'Amérique, c'est un grand propriétaire, un grand compagnon, qui lui produit le tout. Ça clair, vous avez dit, un loto se outil. Milliardaire. Beaucoup d'argent, y en a. Bien riche. Et ce loto va nantir le monde. Dans mon rousse, c'est la. Il y a une propriété qui produit un loto. Mais seulement sa bosse là, ta milliardaire là, quand il guette ce bon travailler à manger, il plairait. Quand il guette ce bon travailler à manger, il plairait. Il n'est pas capable de manger, il est malade. Il n'est pas capable de boire tout quelque chose, il est malade. Il besoin de boire un sérum. Il est chagrin. Avec tout ce richesse qu'il possédait, ça va donner tranquillité. N'importe quelque chose qu'il possédait, si bien la mère Allah là-dedans, il n'est pas bon de dire bien pour nous. N'importe quelque chose qu'il possédait, si bien la mère Allah là-dedans, il n'est pas bon de dire bien pour nous. Si nous travaillons, nous dunia, empêche-nous pour obéir à Allah, nous travaillons, nous l'enjeu, nous dunia, il y en a ça pour nous. Alors, ça bosse là, quand il y a ce moment de travailler, manger, lui, pleurer. Un jour, il fait annonce d'un média international. Il dit à un docteur, un médecin, qui est capable de faire moi manger un bout de lamine du pain, un bout de pain, me donner la moitié de mon business, mon richesse. Docteur, médecin qui est capable de faire moi manger, me donne la moitié de mon business, mon richesse. Tu vas docteur travailler dur, belle somme ça, la moitié. Belle somme. Tu vas docteur travailler dur, personne ne paraît ici faire limoser un bout de pain. Il pleurait. Chagrin. Après quelques temps, il refait l'annonce d'un média international. Docteur, médecin qui est capable de faire moi manger, me donne tout mon business, mon compagnon net, me donne tout mon richesse, s'il est capable de faire moi manger. Tout mon docteur travaille dur. Travaille dur, votre solution dans l'autre. Par ici, fais-lui moi dans le bout du pain. Avec tout ce dunia, avec tout ce milliard, li prodja le teo atule ya, li pan kapav de ni tranquillité. Ban frère, tranquillité gagne quand nous soumettons nous avec Allah. En jimoun ki be namaz, il n'y a pas gagne tranquillité. En jimoun ki pa fait un namaz 5 fois par jour, li be dormi fajar, li pa gagne tranquillité, ce dunya vinen jite au boul, ya fatigué au dunya. Allah l'unique, pena personne égale à lui. Pena personne pareil comme Allah. Li be contrôle ça le monde là, non y est pas arrivé ça son permission. Allah li pur, li content la propreté. Allah li joli, li content la beauté. Allah li généré, li content ban qui généré. Allah y accepte pardon et li content ban qui demande pardon. Allah, quand j'ai mon tel seul ami avec lui, avec Allah, lui ont pour retourner l'âme la vide. Allah, quand j'ai mon tel ami avec lui, demande quelque chose, Allah lui ont pour retourner sa âme la vide. Allah lui ont pour retourner sa âme vide. Ban qui obéit Allah, Allah honore aux autres. Ban qui désobéit Allah, Allah déshonore lui. L'honneur c'est qu'il y a envie, il déshonore ce qu'il y a envie. Allah n'a rien pas caché pour lui, il connaît tout ce qui passait dans le ciel et la terre. Allah n'a rien pas caché pour lui, il connaît tout ce qui passait dans le ciel et la terre, même qui qualité ban plan, qui ban jimoun faire, il connaît tout et il trouve tout ce qui peut passer. N'a rien pas caché pour Allah. Quand Allah vient envie de nan jimoun, en ce banda, en quelque chose, il prépare bon moyen pour ça du monde là gagne facilement. Même si tout la création met d'obstacles pour lui, il paraît difficile, mais Allah fait lui gagner facile. Car là où en quelque chose bon du monde gagne lui, même le monde fait obstacle pour ça du monde là, Allah crée bon moyen bon situation pour faire du monde là gagner facile, même le monde pas content. Une fois dans la Russie, écoute-moi, et une madame russe, qui pas croit d'un créateur, yen, communiste, il pas croit d'un créateur, il fait une voyage dans le golf, dans le pays arabe, pour faire un shopping, avec quelques madames avec lui, un groupe madame, surtout pas croire d'un Allah, pas croire d'un créateur, et un guide avec ce d'un monsieur, quand il finit faire un shopping, finalement, qui sont que vous êtes passé là-bas, ils vont passer. Je parle de ça dans la rue. Si vous voulez casser avec ça, plus beaucoup. Quand fini à cette tout, sa guide là, sa michelle, dit comme ça, nous venons dans un pays là, pays arabe là, pour faire l'argent, pour gagner l'argent. Mais un moyen, je ne suis capable de gagner beaucoup d'argent, quoi. C'est ban, je te l'écho. Et ban arabe. Ça dit, mon, sa guide là, qui est russe lui aussi, il n'y a pas croire d'un Allah. Sa groupe madame là, pas croire d'un Allah. Je ne pas croire, je ne suis pas athée. Si mon guide là, il dit à ma madame là, je suis capable, un moyen facile pour nous gagner l'argent, après nous retourner la Russie, c'est service de l'écho. Ma madame est d'accord, elle seule pas d'accord là-dedans. Il n'est pas d'accord. Si mon guide là, il est un pays difficile. Je ne peux pas faire ça, comment tu peux vivre, comment tu peux rester quelques jours là. Il récit, prend son passeport, il récit coquin son passeport, madame là, il se veut y aller. Quand il y a allé en chemin, il n'y a pas qu'une personne. Il n'y a pas qu'une personne. Il n'y a pas qu'une personne. Il y a tout une madame qui est venue, une vieille dame qui est venue avec, assez âgée, avec son djilbab, son hijab, et un garçon qui est une petite fille avec lui. Il approche Banda, là, il explique ce problème, qui vient d'arriver lui. Banda vient de pitié pour lui. Et finalement, ni la case que Dieu, pour est-ce que Dieu, musulman, ça m'a donné rien, athée, il n'y a pas quoi dans Allah. Quand il vient là-bas, elle, madame Blanche, il vient là-bas, ben, elle fait lui rester, il essaie de contacter sa bonne famille, pas qu'à contacter sa bonne famille, dans la Russie, pas qu'à pas contacter les autres de la Russie, alors, ben, elle continue à faire des morts pour lui. Ça, petite fille là, ça, Micha, ça, garçon là, se sert. Et la maman là, garçon là, c'est à la, cette fille là. Ça, garçon là, se sert, il commence à expliquer ça à madame Russe à l'islam. Il commence à expliquer à madame Rissa l'islam. Il explique, il dit, mais d'accord, parce qu'il dit, il y a l'enseignement de la Rissa qui, Allah Benzis, il y a un créateur qui peut contrôler le monde là. Mais il y a un lit plusieurs fois, ce qu'elle commence à payer, comprend. Sa gosse, on l'a raconté, il dit, mon aide à la librairie, on raconte ça, ben là, ben là, il y a un livre pour ça, jeune dame là, lire, afin qu'il y ait un bouquin, il y ait l'islam, comment il était. À la fin, il finit disposé pour être musulman. Pour convertir. Pour être musulman. Sa garçon-là se sert avec son maman, mène de la librairie. Là-bas, il y a Shahada. Il rentre dans l'islam. Il met un djilba avec un hijab. Il commence à prendre. Il laisse sa garçon proposer pour moi avec lui. Il fait un nikah avec sa garçon-là. Il vient de chez madame dans la case. Propre. Fini arrivé quand il finit marié. Quand fini marié, ce passeport est expiré, madame, là. Pour lui gagner l'autre passeport, il besoin de l'arrêt ici. Problème, là. Avant la librairie, souvent, il retournait un jour, son monsieur finit à Menli, magasin. D'un grand magasin, qui vend maintenant. Magasin arabe. Il est un pays arabe, là. Il y a trouvé madame de Parda. Dernier noir. Il dit, madame, là, racontez, vous pensez, madame, la malade. Il dit, pourquoi qu'on a la loi? Ben, il y a un problème, c'est pas, la peau. Je veux dire, non, ça, c'est obligatoire dans l'islam, que madame, il a couvert son visage, on tient les corps, il a couvert. Il est obligatoire, ça. Il a sept heures courant, qu'on s'en a par là. Et madame, quand il sortit, il montait son visage, ben, homme, qui a dit, madame, là, il a péché. Sa vie, l'homme, là aussi, pareil. Alors, ce monsieur explique, il a dit comme ça. Ce monsieur explique, lui, j'ai libé, ça, obligatoire. Il dit, bon, pas besoin d'un magasin là, à moi, t'as une part dans mon métier. Subhanallah. Je ne peux pas vous souhaiter à magasin, à moi, t'as t'en parlé, on mettait vous sur les pardas. Ce bichat, c'est une lose robe pour lui, bien lose, parda, comme Fatima Zahra de la Wanha, comme Khadija de la Wanha, comme Sauda, Moukulsoum, Soumaya, Rukaya, Joueria, Taïba, Oumou Habiba. Hein? Alors, ils sont aussi dehors avec ce parda, avec ce lose, il va. Il est arrivé ce passeport, il est inspiré, pour besoin de la ici. Ce monsieur dit non, mais il n'a pas le voyage avec sa lèse, là. Il dit non. Allah, son autre, ça me boit, laisse la création dire ce qu'il a envie. Laisse le sang dire ce qu'il a envie. Rentre dans l'avion, il est allé, il descend de la ici, il rentre dans le bureau passeport, puis il tient un nouveau passeport, il amène un petit photo blanc noir. Zis son visage de haut, c'est tout, à cause du passeport, il met son hijab, son djilbab. Bande au bureau, j'allais comme ça, ne peut pas accepter sa photo là, à moi, tiens tout. Problème là. Les mondes qui contrôlent. Allah. Sacré qui a du monde, ça qui contrôle. Allah peut contrôler tout musulman, ça, l'équerre. Allah peut contrôler tout le qui a kafir. Allah qui vous décide qui va arriver. Quand on est bon, qui a un problème, le monde n'est pas d'accord avec vous. Et là, vous salla, tombe là, vous salla. Contactez Allah. Il peut contrôler tous les pieds. Quand Allah n'accepte ou doit, Allah fait les montants dans les pieds. Vine fort! Vine fort avec l'obéissance à Allah. Vine fort avec l'ibadat Allah. Vine fort avec yakin iman fort à Allah. Qu'Allah tout seul qui fait. Personne ne peut faire. Ben là, je ne peux pas accepter ça. Comment vous connaissez qui est ça? Mais il rentrait, il montait sur sa photo. Ici à par là, pardon. C'est là que vous connaissez où ça? Madame m'a dit, mais fais ou pas, madame, guide-moi. Vous connaissez moi ça? Bah, il y a que ce logé, pas mais d'accord. Il dit, non, je suis pas d'accord avec ça. Vous êtes découvert devant moi. Dans tout bureau, je ne peux pas accepter. Bah, là, bloque ce passeport, pardonnez, vieux passeport. Là. Il dit, allez. Il retourne la case avec chagrin. Bah, vous avez un passeport là, problème là. Fini fait la main déjà. Je me tiens avec son monsieur. Je donne la ici là. Je prends le thème. Il prend sur la carte, parce que c'est une famille athée. Une famille pour traumatiser, ni pour faire zulum le lit. Il prend l'hôtel. Il est dans l'hôtel, quand il finit de dîner, ce monsieur dit, mais dans le reposer à ce terre. Il dit, ce monsieur, problème, le nous, papa, il n'y a pas de dormi. Tape la bonne Allah! Convertis ça! Ni au muslim ça! Les tirs, nous allons dormir là, pas bien qu'il passe pas, le monde contrôlé par Allah, Allah les malik, les propriétaires du monde, les fiers qui ont envie, dans le moussal, dans le monde, qu'Allah passe pas, les bouts de nez. מי שמדם עוד לא מושלה, לסתובבו אין הריבה, מי שמדם עוד לא מושלה, מי שפצקן על דאומי, מוסלמן זה. ואופלתם ביי בי, כאו שאתה אמרתי אישה, פפי בנת לקרב על דאומי, זה לא פצקן רבי, בקפעמי וניח זה ניקוזי, נסכה מנוי. לגלל פלשת את כוזה הג'ימון, לבגל פלשת בקוזה קלה. לפצקן רבי, נו, דל דאומי, נו, קפעמי וניח, לבוקוזי, נסכה מנוי, נסכה מנוי, פתה פתה, לגלל פלשיר, בבוקו של קלנה ברפה, בגלל שומעי. זה פרייה, לבריה. אלא לראות למושלה, מי שמדם, תראות למושלה, מי שאל דאומי, למה תלענית, בלנר הספרי. יאללה, תקידו נפספור. להריסי פותו היה אללה. למון פו אללה. סליקין סומת לי עביר על אללה. סליקין גאי אללה. ליפה בזה פייסון דה הדוני אללה. מוסלמן תלפתה ונפתק דוניה. מוסלמן דון מן קאפו הדוניה. מדם לה פלירי, פסו איבדה נויט, רזדה תילאוות, תחד ג'וט ניקמוס פלירי כאללה. לידיה שמישה, נועלה, נוחד דוי לבירו, אללה בופי עלי לססיר. זה כיבוד השני, אללה כיבוד השני לבא. למדם לה רד דבירו אקשו פרדה, אב אקשו מישה, בן דבירו ג'יה מישוז אתל. מדם אתל, לידיה ווי, הוא פשפון פרה, אל פיילה בו הוא פשפון ואלה, כיסנה כיפיר. Naparaten namaz. Écoute-moi bien. Naparaten namaz. Nous terminons la même. Écoute-moi bien. Bon frère, Allah fin fait des responsabilités. Écoute parole là bien. En zoïe les soins. Allah fait des responsabilités. Les films mettent en l'eau nous, en l'eau lui. Allah fait des responsabilités. Les films mettent en l'eau nous, en l'eau lui. Allah de Quran dit Wa'mur ahlaka bis salat. واستبد عليها اودن تو فامي بو فنا مان 5 فوا بوزو تو تو سي رسفيم لولا لا نسالوكا لا نسالوكا رزقا نو الله جنو با دي مانتاريس دي با دي مانتالانس دي با دي مانتامانسي مو نحن نرزقك نو كي نو ريتوا الله جي والعاقبه للتقوى الميا ريزلتا سي تقوى الله دون نو ان مدون دي ريسبونسابيلتي Nous responsabilité pour donner de famille pour faire namaz, pour pratiquer din bien, et Allah, et nous aussi nous pratiquons bien. Première responsabilité. Deuxième responsabilité, Allah vient pour responsabilité, quand nous établissons 5 fois namaz par jour, lui pour nourrir nous, avec facilité, lui pas pour faire nous esclaves l'argent, lui pour donner l'honneur, lui pour donner l'argent, dunia, avec l'honneur qui respire. Aujourd'hui, pour Salman, il est esclave de Nia, il est esclave les autres, il n'est pas capable de s'y avec les autres, il rentre ensemble avec les autres et accepte de souffrir. Pour Salman, il est esclave, les autres peuvent dominer le lit, peuvent faire zulum le lit, parce qu'il quitte Masjid, ben madame, il quitte Moussallah. Établir nos responsabilités, faire un amas 5 fois par jour nous-mêmes, ordonne-nous, fais-nous 5 fois namaz par jour. Allah pas de ma nourrice, Allah dit que vous établissez 5 fois namaz par jour, moi qui vous nourrisse. Allah vous donne nous dunia avec facilité. Allah t'a la demande tawfik, mon frère. Nous responsables pour faire 5 fois namaz par jour, et Allah responsable pour nourrir nous. Aujourd'hui, nous venons quitter nos responsabilités et nous venons prendre Allah ses responsabilités de mettre l'eau nous. Nous venons quitter nos responsabilités, nous venons prendre Allah sa responsabilité, nous mettons le nous, nous pensons nous qui nourrit, nous qui soyons nos madames, nos enfants, nous qui amènent l'argent, dunya vient une punition pour nous venons une église digne, une église namaz, dunya vient une azab pour nous. Quand vous salmane, vous plaît à masjid. Quand madame bonnet, vous le vous salmane à la case. Quand vous êtes digne de la vie musulmane. Ça les mon là pour craquer, ça tout seul la loi, tout ce système là pour soumettre vers les musulmans. Allah Ta'ala de mon tawfiq fait amalouna inshallah. Wa sallallahu nabil karim wa alhamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin.